En Corée du Sud, le parc à la mémoire des victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise est aménagé le 29 août sur la colline Nam à Séoul, d'après la radio sud-coréenne CBS. Nommé lieu commémoratif, il est destiné à ne jamais faire oublier les crimes anti-humains ultra-géants commis par le Japon contre les femmes coréennes et à chérir le souvenir des victimes.